vas-y, ah, bouge la tête. Vas-y, bouge la tête. Vas-y, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge la tête. Vas-y, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge la tête. Vas-y, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge la tête. Vas-y, bouge, bouge, bouge, bouge la tête. Enchanté les potos, je viens vous checker. Mais pourquoi tester le book, mes petits dés? J'en ai pas de faille, tu peux les chercher. J'ai le flow mitrailleur, je sais que t'as kiffé. Ça fait bra, bra, bra, bra, bra. Représente le 971, c'est la Guadada. Magic MC, appelle-moi le magicien. Tu peux me crier au Parc des Princes, appelle-moi le Parisien. J'ai le flow tout terrain, tu peux pas me doubler. Moi je saute les claques, toi tu fais gros doublé. Mais mes métisés, mais est-ce qu'il est poli ici? J'ai un gros zizi, c'est pour niquer la pop police. 9 ans et sonne, banlieue, banlieue, banlieue sud. Ouvre ton petit cul, à 4 pattes comme une puce. La One Poncho, le 3R c'est la famille. Faut pécho, la mixtape, c'est que du bon, c'est garanti. Avec Marouane, ça coopère. Faut que tout le monde mette les mains en l'air. Que nos adversaires prient Lucifer qu'il meure en enfer. Tous dans la même galère. Sur la street, n'a pas lâché son clair. La rue endurcit tous le même caractère. La musique, on a appris à la faire. Un peu débrouille comme une patrouille qui veut classer l'affaire. Toujours les terres avec mon pote de galère. On dit long, filons notre son pour voir tout le monde crier à l'unisson. DDS, DDS, Freedom the Rock. Envoie le signal de détresse à tout progrès. DDS, DDS, Freedom the Rock. On arrive sans faire mal comme une bonne claque sur ta fesse. DDS, lève les mains si t'es dangerous. Lève les mains si t'es féroce. C'est pour la mix, c'est plus dangerous. Les DDROs sont les pailles de mixtape. Tout ça tombe comme les hélices dans l'hélicoptère. Toujours la sorcière terre. Le glory est dangereux. La manie DDS fait du bruit tout elle veut. Hit dangerous, toujours pas toi faire des boss. Autant mettre ton gloss, tes lyrics se sont colosses. R.O. métisé, dis-moi c'est qui les boss. Ça fait mal comme un coup cross, t'es tombé sur un os. Hit dangerous, R.O. métisé. Saint-Jean fleurit mes rougis. Faut que tu réagisses, dis les bouge, ouais. Bouge, bouge la encore. Tête, vas-y bouge, ouais. Bouge, ouais. Bouge, ouais. Bouge la tête. Pour la mixtape street, vas-y bouge la tête. Vas-y bouge, bouge, bouge la tête. Vas-y bouge, bouge, bouge la tête. Vas-y bouge, bouge, bouge la tête. C'est dangerous mixtape, dangerous mixtape. Vas-y bouge, bouge, bouge, bouge la tête. Bouge la tête, vas-y bouge. La tête, vas-y bouge, bouge, bouge la tête, vas-y bouge, vas-y groove, vas-y, vas-y approuve, vas-y bouge, vas-y.